ciao baby bye mon amour. Quelle vie de chien, toujours en cours. Embrasse-moi encore une fois, rien qu'une fois, vite, une fois. Ciao baby bye mon amour. On s'en va comme ça tous les jours. Bon pied, bon train, de bon matin. Pour du bon pain, c'est du bon pain. C'est la vie, la grande vie qu'on mène, c'est la vie. Ah, je t'aime et tu m'aimes et tout ça passe que sur les lèvres d'un garçon qui sentait lui là on a pris un baiser à 15 berges, un baiser qui nous est resté là. Ciao baby bye mon amour. Quel temps de chien sur nos amours. Embrasse-moi encore une fois, comme si c'était la première fois. Ciao baby bye mon amour. On s'en va comme ça certains jours, en disant qu'on va faire un tour. Et puis un jour c'est pour toujours. On s'en va sans regarder derrière soi. On s'en va chercher je ne sais quoi et tout ça passe que sur les lèvres d'une fille que tu ne connaissais pas. Tu as couru retrouver tes 15 berges pour un pauvre bouquet de lilas. Ciao baby bye mon amour. Quel temps fait-il sur tes amours. Ici c'est toujours la même chose. Les amis te disent bien des choses. Ciao baby bye mon amour. Je voudrais te dire quelque chose. Pour moi maintenant tout va bien. Tout va très bien, y'a plus rien. Y'a plus rien. Plus rien qu'un souvenir. Trois fois rien. Qui ressemble à mourir à tout ça.